Yes, yes, yes, bonsoir à tous, bienvenue sur Couleurs Croisées, Yvelines Radio 88.4, nouveau rendez-vous, nouveaux horaires, nouvelle voix aussi avec, j'ai l'honneur de vous le présenter, Mister Axel. Bonsoir. Yes, salut bonsoir Axel. Bonsoir à tous et à toutes. Hein. Voilà, donc on sera tous les deux, tous les mardis soirs de 22h à minuit, enfin tous les deux, on aura bien sûr des invités durant l'année. À fond, de bons invités, du bon son. Que pour vous donner de bonnes choses aux oreilles, et je pense que vraiment il y aura un bon retour de ce côté-là, quoi. Yes, et ben on est, en tout cas on est bien heureux de vous retrouver. Vraiment. Je pense, après ces vacances c'est... solaires. Ouais, ouais, ça va bien le faire. Petite intro, nouveau petit jingle aussi, Madine perso, on va dire. Hein. Ouais, on s'est fait ça, on vous a fait ça, tout simplement. Mais c'est la rentrée, alors on aura le temps de les retravailler encore plus pour la semaine prochaine. Carrément. Et on va commencer tout de suite notre programmation musicale. On va partir direction l'Angola. Ouais, sur une, sur une compile qui s'appelle Soul of Angola, qui est l'anthologie de la musique angolaise de 65 à 75. Avec Monsieur Oskiezos pour le morceau qui s'intitule Muxima. Ouais, Muxima. Muxima sur donc sur des airs un petit peu rumba angolaise. Ouais, un peu afro latino, vraiment afro cubaine. On entend les congas, on entend l'Afrique aussi, et c'est vraiment du bon quoi. Eh ben alors c'est parti, on va s'écouter ça tout de suite, et puis après grosse programmation. Que du bon. Tout de suite, Monsieur Oskiezos. Thank you. C'était du bon. C'était du bon. Du bon, ouais. On était en Angola avec Os Quiesos. Donc. Ouais, on sent bien la touche latino et vraiment les Caraïbes ont été portés avec l'Afrique hein, sur les bateaux. Ça, on le sent vraiment. Exactement, et du son à l'ancienne, hein, mais c'est des années 60, c'est pour ça que le son est un petit peu saturé parfois. Claire, mais bon, c'est ça aussi les bonnes choses. Il faut se rappeler ce que c'est le roots, les racines. Hein. Exactement. C'est clair. Et je pense qu'on va passer encore sur du roots, vraiment sur des racines avec un groupe. Ouais, très grosse vraiment, racine. Hein. Ouais, un mammouth quoi, français en plus. Et je vais te laisser te le présenter parce que je sais qu'il tient à cœur. Et Parce que celui-là, pour moi, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Quoi. C'est tout un monde, c'est tout un univers. Quoi. C'est Magma. Ça existe depuis 69 avec un leader, un vrai leader, hein, qui est Christian Vander, qui a beaucoup tourné aussi cet été dans des petites salles jazz, en trio, et qui tourne encore avec Magma surtout. Donc si vous le voyez en concert là, dans l'Île-de-France, dans le coin où vous êtes, vraiment sautez dessus, n'hésitez pas, franchement, le prix là, essayez de vous sacrifier vos cigarettes, tout ça, et allez vous faire vraiment du bon son. Et surtout qu'il passe, il passe vraiment dans des petites salles, parce qu'il est passé l'an dernier à Manilamo, à la salle de l'Estaminet, qui accueille pas plus de 200 places, 250 personnes maximum. Ils aiment les concerts. C'était un petit prix, ouais, voilà. Je pense qu'ils sont vraiment retour aux sources, quoi, retour aux racines dans l'ambiance scénique des concerts. Exactement. Et c'est parfait. Bah, là, on vous présente ce morceau, il est excellent, quoi. Un morceau qui est Who's My Love. Who's My Love. Déjà le titre. Qui commence un peu funky, qui est en live à Bobino en 81 exactement, qui est vraiment, vraiment justement. Un métissage de beaucoup de choses. Écoutez les voix, écoutez la batterie justement avec Christian Vander, le leader, c'est Magma. Yeah. Voici l'histoire d'un homme qui recherche obstinément l'amour sur terre. Un jour, la mort lui parle. Tu n'as pas le droit d'aimer, ni d'être aimé, car tu m'appartiens à jamais. Thank you. in a hazy. You've got us in a hazy. You've got us in a hazy. You've got us in a hazy. Who's my love? Who's my love? Prévenu, c'est du sérieux, et du lourd, quoi, vraiment. Hein. Ça fait du bien entendre, ça monte, c'est funky, il y a des voix, il y a de l'instru. J'espère que là... 7 minutes 30 de pur funky, ouais, c'est clair, on a bien commencé, on s'est bien mis en rythme. Ouais, pour la suite. Pour continuer suite, sur... C'est que le début, justement. Sur du funky, sur un papy aussi, là, vraiment, on arrive sur... Les gens qui sont encore debout et on voit vraiment que la musique ça porte, ça entretient, c'est là où on voit que la jeunesse est dans la tête et dans le cœur, les gars. Yes, et puis c'est surtout des figures emblématiques de leur génération, de leur style aussi, de leurs styles musicaux, tout ce qu'on vous passe. Parce que là justement on va enchaîner avec monsieur Maceo Parker. Ouais. Donc Maceo Parker, l'un des anciens co-leaders du groupe de James Brown, ouais, forcément, qui a joué aussi avec les GBs également. Et donc qui en est à son cinquième album depuis le début des années 90, ce qui fait que ça fait pas très très longtemps en fait, hein, qu'il fait du ouais, solo. Ouais, non mais et puis sans compter surtout tous les albums qu'il a fait avant, dans les années 70, 80, il a pas arrêté, c'est vraiment quelqu'un qui a fait du bon et qui surtout n'a pas pris une ride parce que... Il a réussi à s'adapter à son temps. Et là, on va entendre justement le morceau Zeus Girls, qui est un morceau vraiment qui donne la patate et qui est frais, réellement. Zeus Girls, Maceo Parker.

Aïe aïe aïe, Maceo. Maceo Parker, yes, non. Là, franchement, si c'est du papy, franchement, je veux être encore comme ça à 70 ah ouais, c'est barges. Clair. Donc, Maceo Parker hein, qui affirme son style carrément groove, quoi, groovy. Ouais, ouais vraiment groovy, du pur. Et tu l'as vu en concert, je crois. Je pense que ouais, tu l'as vu comme moi. C'était au Parc Floral, hein, ouais. Comme tous les étés sur Paris, à 1 ou 2 euros l'entrée. Vous voilà, 1,50€, 3 euros. C'est vraiment au Parc Floral à Vincennes. Quelque chose qui est vraiment à faire entre juin et juillet, fin juin, début juillet. Des concerts jazz avec des pointures. Et si vous aimez, eh ben, faites-vous du bien, quoi, vraiment. Hein. Ah ouais, c'est clair, sans problème. Et on va continuer à se faire du bien. Ouais. On est sur Couleur Croisée, hein, toujours Yveline Radio, 88.4. Avec Axel, avec Seb, jusqu'à minuit, ensemble, tranquillou. Et là, on va enchaîner avec Stevie Wonder, qui est toujours un de nos anciens quand même. Ça, on se berce avec les enfances, des choses qu'on a déjà entendues. Et là, c'est quelque chose qui vraiment est du bon, c'est Living for the City. Ouais, un des titres qui a marqué quand même. Et puis c'est vrai que Stevie Wonder, on le connaît surtout en tant que producteur, quoi. On l'entend de moins en moins en tant qu'artiste. Et ouais. Et donc faut pas l'oublier parce qu'il a fait des choses énormes pour la funk, pour le groove, pour le jazz. Et, ouais, beaucoup de songs qui sont maintenant utilisés pour la pub, qui sont vraiment des trucs qu'on a entendus dans tous les sens. Mais rappelons-nous peut-être un morceau justement qui nous a peut-être un peu manqué et qui va nous revenir aux oreilles. Hein. Eh ben alors c'est parti, alors que le téléphone sonne, on s'écoute, c'est Living for the City. A boy is born in hot damn Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. Job is like a haystack needle. job I'm getting on that horse. Thanks a lot. Wow. New York, just like I pictured it. Skyscrapers and everything. Hey, brother. Hey, come here, Slick. Hey, huh? you look hip, man. Hey, you want to make yourself $5, man? Yeah, brother. Hey, look here. Run this across the street for me right quick, okay? Run this across the street for me. What? Huh? I don't know. What? I'm just going across the street. Shut your mouth. Pause, no. What'd I do? Turn around. Put your hands behind your back. Let's go. The jury of your peers having found you guilty, 10 years. What? Come on, get in that cell, nigger. God, no. His hair is long, his feet are hard and pretty. Avec Stevie Wonder qui nous a mis Living for the City. C'était très vraiment bon funky. Ouais. Hein. On se croirait presque dans une histoire entière. Hein. Vraiment, il y a des cœurs, il y a tout. C'était vraiment. Ah ouais, carrément. Mais je pense qu'on se refera plaisir durant les autres émissions parce que du Stevie Wonder, il y a eu c'est bon de le redécouvrir pour ceux qui ne connaissent pas parce que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est vrai quoi, Stevie Wonder ça date un petit peu quoi, c'est et puis clair. Il tourne plus beaucoup, donc, surtout de la production et on vous en repassera sans problème quoi. On vous a mis quelque chose de péchu hein. Ah ouais, et puis derrière pour prendre la relève, pour c'est du bien péchu là, avec Marcus Miller quoi. Et ouais, là double hommage parce qu'on va s'écouter deux morceaux de Marcus Miller. Ouais. Donc totalement le premier différent. Ah ouais, alors le premier, vas-y le premier. People Make the World Go Round. C'est sur l'album Live and More. Qui est un des albums qu'il faut vraiment avoir de Marcus Miller si on veut découvrir Marcus Miller, qui est un bassiste exceptionnel, qui avec Jaco Pastorius a vraiment marqué son époque. Lui, c'est le slapping pour Marcus Miller, le tapping pour Jaco. Et vraiment, là, pour lui, c'est un gars qui est encore vivant. Si vous pouvez le voir en concert, alors ouais, ça va faire cher les concerts, mais là, ça, c'est du bon. Petit exemple, puisqu'on est dans les prix de concert, Marcus Miller. Donc, pour ceux qui bougent, pour ceux qui voyagent et pour ceux qui se projettent un petit peu dans les mois à venir, vous pourrez donc assister au concert de Marcus Miller. On essaiera de vous redonner des dates parce que je pense qu'il tourne en Europe. Il va tourner en France, ouais, carrément. Hormis ce qu'on va vous annoncer. Donc, il sera le 2 mai 2005. À Monaco, au cabaret du Casino de Monaco, s'il vous plaît, attention, pour le prix de 37,50€. Donc je pense qu'il y a moyen de se faire des concerts beaucoup moins chers de Marcus Miller dans la métropole. Parce qu'il aime Paris, il aime la France et ça, pour ça, il nous le rend bien, vraiment. Yes. Donc sur des lignes de fusion, de jazz rock, de funk, de rock, de blues aussi. Ça part très loin, ça va vraiment dans des gros solos, ça va vraiment dans des bonnes choses. Il a accompagné quand même des noms de renommée. Quoi. On peut rappeler Miles Davis, on en parlait tout à l'heure sur Toutou. Il a joué beaucoup avec lui, ça a été des alliances, ils ont vraiment eu une grosse part de chemin ensemble et on sent vraiment qu'il y a quelque chose en lui qui fait partie des grands, grands artistes, des grandes, grandes pointures. Quoi. Et également Kenny Garrett, Herbie Hancock, Wayne Shorter, encore plein d'autres. On va l'écouter sur l'album direct. Live and More, People Make the World Go Round, avec une voix magnifique. Vous êtes sur Couleur Croisée, Evin Radio 88.4, Monsieur Marcus Miller. Make the world trashman didn't get the trash today. And all because they want more. Yeah. Ah ouais, merci de nada. Ça c'est clair. C'était Marcus Miller sur People Make the World Go Round avec Kenny Garrett, Dave Holland, Leila, Make the World. Franchement, du sévère. Et ben, 10 minutes de pur bonheur sur Evin Radio, sur Couleur Croisée. Pour ceux qui connaissent pas, hein, qui viennent de nous rejoindre, et ben, vous êtes sur Couleur Croisée. Donc ça se passe tous les mardis de 22h à minuit avec Axel et avec Seb. Ouais. Et il y aura des invités d'ici peu. On vous tiendra au courant sur le site internet. Pour le métissage de la musique, pour le croisement des idées. Bah, quoi. Un peu dans le Marcus Miller, quoi. Ouais, hein, dans la fusion des styles qui nous sont propres, c'est-à-dire le jazz, le reggae, la funk. La salsa et voilà, donc vous avez compris les influences, quoi, toutes les musiques du monde qui nous tiennent à cœur et le monde fait toute une musique, c'est ça qui fait vibrer le monde, exactement. Yes. C'est pour ça que Marcus Miller, c'est un multi-instrumentiste qui s'est pas arrêté uniquement à sa basse, quoi, qui nous a vraiment fait découvrir différents styles et mis sa touche partout. C'est pour ça que là on va écouter quelque chose qui va nous faire vraiment une bonne impression. Qui est Éthiopien. Ben, ouais. On va aller chez Haïlé Selassie. Yeah. Et on va vous faire partir en Éthiopie vraiment avec un album qui est Tales et qui est vraiment un aussi qui cartonne vraiment, qui nous permet de partir là où la musique nous permet de rêver. Yes, I, Ethiopia, pour ceux qui n'ont pas compris, eh ben, il suffit d'écouter. Vous êtes sur Couleur Croisée. Ja, yes, c'est I. Là, c'est là. Ok, monsieur Marcus Miller. Les couleurs se croisent, les musiques se croisent aussi, et elles se métissent. Que c'est bon, vous êtes sur 88.4. J.I.S. Franchement, du reggae et du roots, c'est ce qu'il nous faut. Mais il y a aussi les versions un peu plus récentes, parce que le reggae, le roots, ça nous a donné beaucoup d'autres choses derrière. Le raga, le dub, l'électro-dub surtout. Et les DJ qui reprennent les versions, qui toastent par-dessus. Des versions de Rasta, mais Rasta français. Des versions exactement de Gainsbourg, quoi. Hein? Du Monsieur Gainsbourg. Yes, sur un album Mauvaise Nouvelle des Étoiles qui a été réédité en 2003. Qu'on entend aussi sous Bad News from the Stars, qui est aussi surtout une de ses chansons. Exactement. Faut pas oublier que Monsieur Gainsbourg, paix son âme surtout, et merci à son âme, nous a donné du vrai reggae parce qu'il est allé en Jamaïque, il s'est fait accepter par les Jamaïcains et il nous a trouvé des Jamaïcains pour nous donner yes. du bon. Donc, la petite histoire sur cet album, c'est qu'il a été enregistré en 1981 en fait, donc 2 ans après Aux Armes, etc., qu'il avait enregistré en Jamaïque. Yes. Et cet album, il a été enregistré aux Bahamas avec Salayan Robbie et avec des DJ qui sont venus toaster derrière sur tous ses titres. Et justement, on va s'écouter une première version avec un DJ qui s'appelle Thunder. Comme vous prononcez. Donc sur la version Negusa Negast. Et juste après, quand même, pour se faire plaisir, parce que c'est Monsieur Serge Gainsbourg, on s'écoutera la vraie version. Ouais, la version qui nous permet de voir un petit peu que c'est du roots et qu'il est jamaïcain, qu'il est humain, réellement. De comprendre ce qu'il voulait nous dire. Yes, voilà ce qu'est un Rasta. Tout de suite, Negusa Negast, Gainsbourg featuring Sander. I'm gonna think of a right, you know, here. Negusa Negast. Negusa Negast. Negusa Negast. Negusa Negast. Wonderful Ethiopians from the ancient Kushite Empire. In the beginning, there was a rhythm. Rhythm of life. Rhythm of righteousness. Negusa Negast. Rhythms played upon sacred drums that shapes the history of any nation or race will surely leave many a trace for the generations to come, so they may find their place, even their sense of purpose throughout time and space. And drums or more, playing ancient rhythms, sacred drums, playing rhythms of righteousness, rhythms of thanksgiving, rhythms of war, rhythms of peace, rhythms of redemption, trampling the beast. 1,000 drums or more, playing rhythms inspired by creation, rhythms for the next generation. This is a revelation, a joyful celebration. Drums or more, blazing for unity, blazing for equality, blazing for togetherness, blazing for oneness. This is a revolution. Here is the solution. Listen to the rhythms. The wind keeps blowing. Ancient rhythms, sacred drums. Thousand drums or more. playing in a sacred place. Rhythms of the human race, playing with passion and grace. Precious like silk, fine like lace. Now is the time, this is the place. 1,000 drums or more, 1,000 drums or more, 1,000 drums or more, or more. Si tu rigoles, croire c'est aussi fumeux que la ganja. Tire sur ton joint, pauvre Rasta, et inhale tes paraboles. Là-bas, en Éthiopie, Nego Sénégast, s'il vous plaît. On voit que les Français sont bien rasta. Hein. On voit que les Français ont réussi à nous donner du bon là-dessus. Hein. Et c'est pour ça qu'on va rester dans le français qui nous a bien marqué aussi, là, qui a bien marqué son temps, des petits grenoblois. Hein. Grenoblois, exactement. Ouais. Bien sûr. D'ailleurs, l'un de leurs derniers albums, c'est un live enregistré à Grenoble. Mm-hmm. Voilà. Qui est que du bon, du aussi bien, pas que reggae roots, mais aussi reggae un peu ska. Ils ont réussi à nous donner une petite touche française avec vraiment des paroles qui valent le coup. Ouais, ils ont leur style, ouais, carrément. C'est bien speed, quoi. C'est les Sinsémilia. Ils nous ont repris du Brassens aussi. Ah ouais, bien sûr. Pour montrer qu'ils ont vraiment, qu'ils sont les descendants, hein, un petit peu des Français à texte. Yes. Et donc c'est les Sinsémilia avec une chanson donc Jamais une mélodie ne rendra beau l'immonde. Mmh. sur l'album, tout ce qu'on a, qui vaut le coup, quoi. Et on va vous donner quelques dates juste avant de s'écouter le morceau. Sins Emilia, donc il sera en concert le 9 octobre pour ceux qui bougent, hein, ça se passe à Cahors, au Doc de Cahors, donc à 21h. Le 23 octobre à Loudéac, dans les Côtes d'Armor, juste à côté de Saint-Brieuc, à la salle de l'Hippodrome de Loudéac à 18h. Et le 14 décembre à Paris, à l'Élysée-Montmartre, à partir de 19h. Et je crois qu'ils terminent leur tournée à Grenoble. Normal. Des racines, hein. C'est du roots. C'est clair. Et ben c'est parti, on va s'écouter les Sins Emilia. On va se lever, on va jump up un peu. Et c'est du roots qu'il nous faut. Yes, I. Sins Emilia, jamais une mélodie ne rendra beau l'immonde. To express our anger through music, that's what we could endlessly do. Yeah, man, for real. And that we do for true. On pourrait le faire sans fin. Chanter le mal est humain. Chanter pour ceux qui ont faim. Mettre notre colère en musique. On pourrait le faire sans fin. Incendier les politiques et leurs peaux de femme. Pleurer, pleurer cette terre qu'on assassine sans penser à demain. Hurler contre les guerres, contre la folie du genre humain. Chanter le mal est humain. Chanter pour ceux qui ont faim. Les Sinse Emilia, jamais une mélodie ne rendra beau l'immonde. Sans semence, Sinse. C'est du bon ça, c'est des ouais. petits français qui nous ont fait un peu jumper quoi. Ouais, et puis ça fait du bien parce que ça fait quand même une dizaine d'années qu'ils tournent et, et ben ils sont encore là. Ouais, clair. Et ça fait plaisir. Et on leur projette au moins une bonne dizaine d'années devant eux encore. Ouais, ouais. Largement. Ouais. S'ils restent tous soudés dans la même vibes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et du tout soudés, c'est au petit ce qui va suivre, Sayan Supako. Hein. Ça aussi, on leur prévoit, j'espère, encore une bonne carrière, parce qu'ils le méritent. Et puis, ils sont en train de cartonner outre-Manche, hein, je crois, du côté de l'Angleterre, ça commence à bien cartonner. Et ouais, ils ont fait pas mal de trucs avec les Américains, parce que bah, les Américains aiment bien les petits Français, finalement, hein, quand ils cartonnent, ils le remarquent. Yes. Et là, on a un album qui est X Raison. X Raison, bah l'un des plus connus quand même, hein, qui a eu beaucoup de succès, on va dire commercialement en tout cas. Parce que voilà, ça a été l'un des plus récents, quoi, c'est pour ça. Et là, je pense pas que ce soit le meilleur, mais là, on a trouvé l'une des bonnes, en tout cas, d'X Raison, et qui est Police. Et moi, pour la petite anecdote, juste rien à voir niveau artistique hein, par rapport à ce qu'ils font, mais juste par rapport à. Aux journalistes qui les commentent un peu, qui les comparent et tout. Mmh. Bah certains journalistes les considèrent comme un croisement entre Bobby Lapointe et Busta Rhymes. Ouais, Busta Rhymes, bah voilà. Que... Et Bobby Lapointe, ouais, c'est vrai que. On va dire que dans les trucs un peu délurés, les réponses. Juste le côté humoristique des enchaînements des mots. Quoi, mais bon, je sais pas qui était le journaliste hein, non plus, faudrait avoir je sais son pas nom, non quoi. Plus, hein, on n'a pas la source, c'est peut-être pour ça en même temps. Ça le me dérangerait pas. Ouais. Il a pas signé, le gars. Il a pas osé. Il est pas fou. C'est Sayan Supako, t'as vu d'où il vient. C'est bon. Yes, donc vous êtes toujours sur Couleur Croisée. Bon, on est parti avec le Sayan alors. Yeah, changement. Ce n'était qu'un cache-cache dans une crèche. C'est pas comme si on était à quatre casés dans une caisse volée. Hein? Quand les bons départs, c'était pas qu'une bonne épave. C'est l'autre plus bas, c'est reste en fait une cité bondée. Hein? Vous tenez crié barrière, j'ai enjambé. Mon palpit t'en jouait du jambé. De mon flic craint cette pour se mettre jambé. Une fois qu'on avait semé les messieurs, ok, pipi. Ça mangeait, crié. Les mecs, c'est ok, pousse pipi, puis. Au lieu de rentrer, on attendait, le diable squatté. Le bac à l'entrée, l'attente fut contente de 4-6, ils sont pointés. Papier, bouilleux, passé. Dis pas qu'ils sont chez toi ou t'as droit à la raclée. Non, non, pas de mec, pas de. Pas de compromis, pas de comprenez, tu me suis effet pas le compromis. On n'aurait pas dû vous descendre des cocotiers ou vous étiez perché, bande d'animaux pour qu'à être bosqué. Ta race est sale, une raclure, même pas une moitié. T'emmènes au QG sous les beaux, t'as dû crier à pitié. Un cache-cache dans une crèche, c'est pas comme s'ils étaient à quatre casés dans une caisse volée. Police, sur ma police, c'est un blagui, donc il peut pas être poli. Serait-ce parce que c'est un CRS que je prends ce risque de traiter ça. Salaud. Ça reste en travers de sa gorge. Il est pas gros, c'est coup avec son doux Toys R Us. Vas-y, frappe, un black par terre. Tous la ravivent en moi la flamme du Black Panther. Tout ça pour un pitbull, me contrôle comme une petite pute. C'est vrai qu'on est pas habile et boule, c'est débile, me casse les boules, pas de bol. J'tombais sur des cons des balours avec un bel uniforme. Les deux uniformes star qui hush, mais j't'affirme que seul il la ferme. Hein, j'ai beau faire la morale, jamais on s'aimera. Mamadou ou Mourad monte à la tête déguisé comme un moral. On se dispute comme des amoureux. On aime se détester à en mourir, les rapports jeunes, c'est plus la morue. Moi, je suis le plus fou, passé du plus fou, les sales coups. Car t'as fou, le premier debout, tu te défous, je vole tes sous. Te laisse pas de clou, je suis toujours sous. KFC, connu comme le blanc loup, je loue. Je passe mes fins d'années sous le bout. Je passe partout, avec mes roses, je joue sans banjo. Pourquoi? Parce que je suis un babtou. Il a un passé flou, il passe partout, cause, c'est un babtou. On en parle dans tout le voisinage. Que s'est-il passé de grave dans ma cage? Hier au 6ème étage, rien un classique. L'affaire a été classée sans suite. Pour du shit, j'explique ce qu'on fait des schmitts. Des sommes banales pour les vieux de ma vieille. Spécialisé dans la gamme, mais aucun de nos surveille. Hey, le jeune Philippe, soi-disant crème de l'élite. Mais qui confond son pétard avec sa bite. Comme une envie de pisser, vite panique, les yeux plissés. Attiré sur la mer de l'intéressé. Elle, flippé, se planquait. Ce mauvais tireur, par chance, a manqué. Bien sûr, les faits diffèrent au procès. Énième bavure. Et énième agent de police qui plaide, non coupable. Yo, j'ai des tonnes de rêves de drive-by, de bâtard. T'as vu des nouveaux styles de bataille, de garde à vue. Des sales actes et des tas de vibes, de la Scarface à leur abus. Dommage, boy, j'fais pas le bois, ils ont déjà l'Oscar de la bavure. C'est ça la dure, loi de la rue, j'ai pas vu. J'ai pas l'allure adéquate à la longue. Si tu veux, j'te ferai la liste, j'vois que t'as pas dû voir qu'elle était longue. J'tiens ma langue, souhaite juste les revoir à l'angle. Les bras ballants pour qu'on s'arrange, les savaler, les cavaler sur leur phalange. Clic, clic, c'est le bruit d'un back-back lié au noir, brillant, violet par spectacle. Ça. C'est le bruit d'un contact, en gros d'un clio péta, bien taille avec mon pote ça. Direction périphérique, régime au maxi, toujours mon split, ça sexy, tu vois que les flics rappliquent. 190 au compteur de la mécane scénique des flics. j'accélère, j'entame le gauche-droite. On voit qu'il pilote car l'Afrique a il trop le parfait. Toujours un métro, les tarmos, les képis, les CRS, les gendarmes, les gendarmes. Oh ma man, ça s'énerve, me dit tout gentiment et c'est moi, c'est merde. Ok, ok, j'adore ça quand les compatriotes de la ville folle me testent mon graine. Là je deviens sauvage, je brûle les péages. En tête d'un quelconque village, car elle clio pac pac cavale sur les rails. Avec mon gros sky bien taille, mes jambes me lâchent et là ça devient dommage. Clic, clic, c'est le bruit des menottes, spectacle se ferait. Yeah. Ça aime tout pas crew, franchement là on s'en prend plein plein la tête. Pou, pou, pou, pou, Paris. Eh ouais, franchement, sur l'album X raison. Alors, il y en a beaucoup de raisons de l'acheter ou en tout cas d'écouter Sayan Supaku, c'est clair. Et ça, c'est du bon petit français avec les paroles qui sont là dans l'album, vraiment, vraiment bien, bien, bien saccadées, bien comme il faut. Bien rythmées, bien. Des paroliers qui ont été justement comparés à Bobby Lapointe ou Brassens ou en tout cas des bons petits français en ce moment. C'est ce qu'on a juste. Et ben on va rester justement dans la musique française, avec un groupe un peu plus récent et puis style un petit peu différent, qui mêle un peu plus la musette, paroles, la guinguette, hein. Dans avec les le... paroles toujours, c'est ça qui est le dans plus les paroles toujours, ouais, toujours aussi déchiré. Parce que là, on voit qu'il se tape un bon délire. C'est quoi ce titre d'ailleurs? C'est quoi ce titre? C'est Cendrier. Donc on vous parle bien gitane. On vous parle du groupe Java. Pour ouais. Je pense qu'il commence à se faire connaître sur la scène, il tourne pas mal. Ouais. Donc Java, Cendrier, petit conte. Voilà, petit conte moderne. Pour tous ceux qui sont amateurs du tabac, de la fée gitane, ils vont se reconnaître un petit peu et puis se rappeler le conte qu'on a tous entendu, Cendrier. Il était une fois, il était une fois sur Couleur Croisée, l'histoire de Java. Et Cendrier. Yeah! Il était une fois. Cendrier, il avait copé ce blaze un jour. Vu qu'il était encore plus tabagique que Gainsbourg. Mais surnom, il avait jamais aussi bien porté que ce matin-là. Son 10 mètres carrés empestait l'alcool et le tabac froid. L'odeur de cadavre, le tira du sommeil. Pour leur plonger aussi sec dans ses exploits de la veille. Pérémiste de vocation, ses deux demi-frères ne manquaient jamais de lui rappeler sa position sociale. Il voulait bien laisser cette chambre de bonne au dernier étage. Mais en échange, tous les jours, dans leur loft, il devait faire le ménage. Faut dire que ces deux-là étaient pleins aux as. L'un était créa dans la pub, il avait une Audi ZT de place. L'autre était plus révolté, critique de musique aux inrecuptibles. Il adorait la pop indus de l'underground finlandais. Bref, il le méprisait et n'arrêtait pas de le narguer. Parce qu'ils avaient un carton spécial VIP pour la grande soirée, tenait le soir même et par le compte d'Hardy Sniff. Et lui était encore invité nulle part. Il allait encore finir tricard avec la veuve poignet. Mais de toute façon, qui aurait voulu de ce déchet? Se prit dans ses pensées qu'il se tint un pied hors du lit. Il était 5 heures de l'après-midi. La laine de Captain Caverne, marchant radar pour atteindre les chiottes, il mit un pied dans le standard. Et merde, cria-t-il, la cendre se répandit dans les airs. À ce moment arriva quelque chose d'extraordinaire. Dans un nuage de cendres apparut la fée gitane. Elle était belle, jeune, elle sentait le mégot chaud. Elle dit de sa voix éraillée: mon vœu, ce soir tu seras la reine pour aller danser. Oh merci. Je transforme tout ce que je touche. Approche-toi, fais un vœu, mais je t'en supplie, mets ta main devant ta bouche. Tu refoules du goulot, attends. De ma baguette, castagnette, je vais te faire le sourire émail diamant. Ce soir tu seras à bar tabac de la Seita, costard au pot de dromadaire. T'as pas de citrouille? Bah non. Et bah regarde, transporte ton paquet de clopes en corvette. Ça, super. T'es prêt à faire un tabac pour la soirée de jet set? Mais attention, y'a une condition chérie. Les losers ne deviennent playboy que la nuit. Oui. Ah bon? Alors sauve-toi dans les premières lueurs. Et tant pis pour l'after. Arrivé au chaton, lui déroula le tapis rouge. Tout le monde le matait, il était comme dans un songe. Ses deux frères étaient verts, toutes les femmes étaient hypnotisées. Il dessinait des cœurs dans ses volutes de fumée. Cendre, yeah, yeah, yeah, yeah. Il finit par repérer une petite, elle était mannequin chez Elite. Ouais, je suis mannequin chez Elite. Ouais. Cendrier pour 31 était plus heureux des tocards. Sa belle princesse est un mannequin. Il s'embrasse dans le noir en mitouflé. Dans sa foncerie, il a oublié qu'il était déjà 5 heures. Il se barre. C'est pas la fin de l'histoire. Le beau mannequin. mannequin lui court derrière. Elle n'a plus de lui, qui lui reste sa veste en peau de dromadaire. Elle regarde dessus, tiens son nom colle, bar tabac de la CETA. Ah donc, le gars fume et picole. Bah oui, alors elle fit tous les bars tabac pour retrouver son prince charmant. Mais vu le nombre de bars de la ville, elle devint alcoolo tabac jour rapidement. Lorsqu'elle finit par retrouver Cendrier, au bout de 10 ans, elle la trouva bien décrépite, très loin du souvenir du mannequin chez Elite. Mais comme il était toujours célibataire, il épousa et en fut fier. Mais leur histoire fut éphémère, ils eurent un cancer. Java. Yes, avec un petit rappel hein, du groupe Téléphone en plein milieu. Mm-hmm. Pas juste à la fin. Et puis un petit hommage à Gainsbourg. Ah ouais. Tabagique comme Gainsbourg. C'est clair. Et on voudra pas si ça donne ça. Cendrier, moi je vous conseille d'aller les voir sur scène hein, pour les avoir vus 3 ou 4 fois déjà. De quoi les cendriers Les cendriers, ouais, les cendriers. Ah, ouais, il y en avait pas là où je les ai vus. Non, non, j'ai vu sur scène une c'était des cendriers naturels. Je vois ça. Ouais. En tout cas, bah, il était bon le cendrier. Pardon. Les Java donc. En tout cas, qui nous font un petit truc un peu hip-hop, un petit peu qui bouge vraiment quoi. Ouais. Et puis c'est un collectif de musiciens en fait. Hein. Ils étaient tous solo avant. Ils tournaient avec divers groupes francophones et puis ailleurs. Ils tournaient le batteur tournait avec Tony Allen. Yes. Les autres tournaient entre autres avec pas mal avec M. Ils ont tourné pas mal avec M. Et puis donc ils sont rejoints. Ils ont fait des tests. Ils se sont fait connaître sur la scène et ça continue. Et donc c'est bien. Leur dernier album c'est Safari Croisière, sorti en 2003. Voilà pour la petite histoire. Yes ça. Et dans le dur. Là, on était dans le rap guinguette français. Ouais, dans le rap guinguette, franchement, française. Et là, on part au state, on traverse. Ouais. Alors, si c'est l'est ou l'ouest, au niveau de la côte, en tout cas, on voit qu'on est vraiment au state. On voit que c'est Booyah Tribe en featuring avec Battle Cat sur Legends. Un des durs qui va vous mettre vraiment une bonne pulse, toujours sur couleur croisée. Pour cette nuit plus qu'agréable. Bouya! Bouya Tribe! They say every 10 years, every 10 years, somebody come around and smash the game. Legends last forever. Booyah Tribe, the chosen few. If we don't make it, I'm sure enough finna take it. How many times y'all heard it? A real G, bout to smash the game, feed your planet. I'm like an OD tape with the static, like a sniper when I'm at it. I love to make your world panic. For all them years they've been killing us, no more asking for help, we blessing it back with a gang rush. To rule and conquer is a must, currency, power, I thrust. Booyah Tribe, he got it, we trust. Put the red dot bodies if that's the docks. Unorthodox, creeps the double glocks. Those melody compose bodies at the chop shop. And the West never knew you called it hip hop. Gangsta kicks it non-stop. I told the family keep the faux-fox close and the ya-ya. Gangsta fully all grieving. Fate is a mystery, my enemy sleepless, breathing. It's communications, conversations, come show. Legends up in the game, conversation, come show. It's bigger than L.A., all the way to New York. Worldwide, coast to coast, straight down. The world witness, we test our strength and gangster we trust. We roll the links to the thicket. I propose open doors and gangster we trust. Glimpse into the eyes of a gangster promoter. Demonstration is better than conversations. Don't get it twisted, trademark to Disney hospitality. Participant, the famous is contagious. Blessing in disguise, a picture the frame, an epidemic enterprise. Chairman of the board, American gangster dons, bang lords, chronicle the ghetto, cartel and terror. You ain't gangster. I put it on blast, I touch ya. Banged out, commas a motherfucker under the booyah umbrella. Labor in vain, poof strings and blood stains. Legend of an epic powder, six flag magic mountain for honor. That ghetto star, glamour, vandetta, data. We gangsters of all gangsters. It's communications, conversations, come show. Legends up in the game, conversation, come show. It's bigger than L.A., all the way to New York. Worldwide, coast to coast, straight down. Nation, put it on, many die from condition, ain't no walking up on. It's on sight, on sight, to your dome, I'm gone. I got that last call, but it wasn't from a phone. Them bitches plotting with fears, trying to take my home. They took the beat from the street, straight to the popos. All missions delete from double D's and fofos. Game locked for historical genetic reasons. Indicted for life because of the World Commission. They can never stop solidarity gangster shit. Stand shoulder to shoulder, bringing gangster hits. No cover ups and no Houdinis. I push buttons, try to live lavish like Myers Lansky. The West Coast are no strong. It's our way, our thing. We legends in the game. Most communications, conversations come show. The legends are in the game, conversations come show. Bigger than LA, all the way to New York. Bouya, bouya! Pour tous ceux qui ont jumpé et qui sont pris vraiment la tête dans le plafond, quoi. Ouh. En tout cas, moi personnellement, je suis encore encastré là. Franchement, Bouya Tribe, c'était Battle Cat. Yeah, un album qui est tiré de toute la période actuelle Los Angeles Fever. Et qui nous donne du bon hip-hop comme on a en ce moment, très électro, et qui voit, on voit que ça évolue bien en fait. Hein. Yes, et pour la transition, ça va être super dur, alors on va la faire cash violent comme ça. Parce que là, on était dans le hip-hop du côté des States. Mais là... remarque, les hip-hop et l'Afrique, hein, c'est très très proche. N'oublions pas que hip-hop, ça utilise des MC. Et qu'est-ce que c'est un MC avant tout? C'est un master of ceremony en africain. Hein. Donc faut pas oublier que le hip-hop vient de l'Afrique non plus. Mmh. Yes, et on devait vous passer un petit CD qui ne passe pas malheureusement. Alors le groupe s'appelle Umsulu. Alors on va voir si on peut se l'écouter juste après. On va partir d'abord sur Umkulu. Ah, les noms se rapprochent, mais c'est pas les mêmes. Avec Boomerang. Yes. Ça va revenir. Exactement. Mmh. Exactement. Donc le groupe, ça s'appelle Umkulu. C'est il se base sur le tribal festif. D'Australie. Mmh, yes, donc les aborigènes, forcément, didgeridoo, percu. Et là, un petit peu de batterie et de sax qui viennent se mêler à tout ça. Ouais, qu'on voit que ça s'occidentalise et que ça se métisse encore une fois. Yes, exactement. Et ben c'est parti, Umkulu, le morceau qui te revient dans ta face. Boomerang. Yeah. We'll be right back. l'école ou encore au don. Souvent appelé jus de panthère, alcool de palme distillé à 90-100, voire plus degrés. Grosse soirée arrosée. Oui, ancien, au nom, tol. 1000 neurones carbonisés. Oui, ancien, au nom, tol. De gros yeux rouges éclatés. Oui. Thank you. Ah, et c'était ambiance relaxation hein, sur Couleur Croisée. Oma Shivaya. On est parti en Inde, en Australie, on est parti dans la trance. Ouais, là. Exactement, et d'ailleurs on va y rester. Ouais, avec I Like Tribe. Groupe francophone hein, qui tourne beaucoup du côté du Japon, de l'Inde, et en de l'Espagne aussi, et en France. N'hésitez pas, ouais. Surtout ils vont passer, je pense, bientôt à Saint-Malo, si je me trompe pas en exactement, fait. Hein. En fait ils seront le, bah ouais, carrément, le 30 octobre. À Saint-Malo, yes. À la salle de l'Omnibus, à partir de 21h, pour un prix de 14,50€. Ouais, voilà, ça vaut vraiment le coup si vous êtes un petit peu breton, que vous avez de la famille là-bas, et si vous pouvez aller à Saint-Malo, là, il faut vraiment se déplacer, là. Ouais. Il faut y aller, parce que Highlight, c'est quand même une trentaine d'instruments... Instrument traditionnel qui tourne sur scène. Ouais, donc il y a de la sitar indienne, il y a des percus d'un peu tous les pays, des tablas, du didgeridoo. Ils sont partis en Australie, dans l'Amérique latine, ils sont partis vraiment en Afrique et prendre tout ce qui est de la musique trance et qui nous permet de voir un peu ce mix un peu électro et un peu acoustique justement entre la techno et la trance. Ouais, et sur scène c'est vraiment impressionnant parce que c'est de la trance mais c'est vraiment acoustique quoi. Ouais. Donc il n'y a pas de problème, c'est pour ceux qui aiment les instruments, allez-y. On laissez-vous porter. Ouais. Et surtout, ils nous rendent bien ce qu'on leur donne. On voit vraiment que ce sont des musiciens qui nous font un échange total. Et si vous partez, ils partent. Et petite dédicace à Roots et à Bill au passage et à Juju. Yes I. Highlight Tribe, le morceau DJ Trance sur Stellar Ray. We'll be right back. Les Highlights, Highlight Tribe. Ouais. Ça, c'est vraiment ce qui va nous permettre de rentrer dans notre corps et dans la musique à fond, quoi. Ça, ils ont compris beaucoup de choses, je pense. Ils ont compris beaucoup de choses et ils ont beaucoup voyagé. Ça se ressent aussi. Ouais, carrément. Ça se ressent beaucoup. Alors, et, si vous pouvez les voir sur scène, vraiment, surtout, c'est un truc qu'il faut se prendre en pleine tête, quoi. Et puis, si vous pouvez pas voyager, écoutez-nous tous les mardis soirs de 22h à minuit. Nous, on essaye de vous faire voyager du mieux qu'on peut, en tout cas. Et en tout cas, c'est la couleur croisée, c'est clair. Yes, et encore une fois, on va voyager parce qu'on va changer de style. On va rester un peu dans les mêmes influences. On va partir en Jamaïque. Yeah. Mais on va partir plutôt dans les années 60, à l'origine du ska, du bebop, du jazz, et également du blue beat. Donc le blue beat, c'est un rythme qui n'a pas duré très longtemps, qui a duré peut-être un an, qui a été une période. Et on va s'écouter un extrait des Rude Boys sur une compile, The History of Ska, Blue Beat and Reggae. Yes. Donc les the Rude Boys. The Rude Boys. Rude Boys, yes. Pas Roots Boys. C'était tentant. Ils le sont aussi, je suis sûr. Ouais, je pense aussi. Ouais. Pour faire ça. Et donc le morceau s'intitule Blue Beat Man Dub a Dub. Yeah. Donc c'est parti, vous êtes sur Couleur Croisée. Tous les soirs. Tous les soirs, ensemble jusqu'à minuit encore. Tous les soirs ou toutes les tous les tous les soirs, soir. on aimerait bien tous les soirs. On va le faire, mais faut que vous nous le demandiez, faut que vous fassiez des pétitions. Sur l'hôtel de ville, il y a une pétition qui se fait justement pour qu'on soit tous les soirs. Hein, voilà, De 20h à minuit. Alors la signature, c'est cracher dans la gamelle. C'est une marque ADN, hop, et on est sûr que c'est bon, c'est un vote. C'est un bon signe. Donc dès que vous passez, vous crachez dans la gamelle et hop. Essaye. En tout cas, tous les mardis soirs de 22h à minuit, Couleur Croisée. The Rude Boy, Blue Beat Man, Dub a Dub. Yeah. Ok, c'était The Rude Boy, Blue Beat Man, Dub a Dub, sur un rythme plutôt, le Blue Beat, donc une petite période de la Jamaïque qui n'a pas duré très longtemps, c'était entre le ska et le reggae. En tout cas, que de bonnes choses en Jamaïque, vraiment, c'est là où il y a du message, rien que dans les musiques, sans parole. Vous êtes toujours sur Couleur Croisée, avec Axel. Sur Evelyn Radio. Yes, et avec Seb. Yes, I. Et ça se passe tranquillou, ça se passe tous les mardis soirs, de 22h à minuit. Et on continue notre chemin. Alors là, on va partir avec des Lyonnais. Ouais. Groupe de dub électro. Quelque chose qu'on aime bien, apparemment. On aime exactement, bien tout un bon mélange, encore une fois. Mm-hmm. Et donc, Donc impressionnant à voir sur scène, hein, parce que la musique, malgré que ce soit du dub électronique, ils la font en live. Et sur scène, ça se vérifie vraiment. Donc c'est que des bonnes vibrations. Ça se sent, ça se ressent, ça se. Ouais, il y a encore de bonnes choses à explorer là-dessus. Exactement. Donc le groupe, c'est les Hightone qui nous viennent de Lyon. Ouais. Et le morceau qu'on s'écoute, c'est. Délicatement doux. Yeah, délicatement doux. Ça me fait partir, là, encore une fois. Yes, c'est parti. Thank you. Hightone. On est parti carrément dans les étoiles pour cette nuit. Que la nuit va être douce et bonne. Ouais. Le sommeil, il n'y a rien de tel. On va se reposer avant d'aller travailler. La méditation juste avant le sommeil, et puis on va ouvrir un petit monastère rasta bouddhiste, hein, franchement. Bah écoute, pourquoi pas, hein, on pourrait inviter un public en même temps. Bah ouais, s'ils sont, une petite s'ils ambiance sont bouddhiste. Hein, tous les mardis soirs sur Evelyn Radio, ouais. À Bob Marley le Roi. À Bob Marley le Roi, yes, aïe. Et bah voilà, l'émission prend fin, donc il est bientôt minuit, donc on va se quitter malheureusement. On vous a fait partir, en tout cas se quitter pour mieux se retrouver, quoi. Exactement, tous les mardis soirs. Ouais. En deuxième partie de soirée, de 22h à minuit. Et on vous attend pour avoir le juste retour du bon, quoi. Ouais, pour un voyage bien coloré, en tout cas, avec des bonnes influences, des bonnes vibrations. On vous fera repartir sur de bonnes choses comme ça. Et exactement, puis on aura des invités durant le cours de l'année, donc il n'y a pas de problème, ça va le faire, ça va se mettre en place tout doucement. L'agenda qui démarrera la semaine prochaine, je pense, avec tous les bons plans que vous pouvez retrouver, en tout cas en ce qui concerne nos intentions, nos vibrations, donc tous les bons plans de la scène parisienne. Donc assez ouverte au niveau des vibrations, exactement, ouais, c'est exactement. Clair. Et si vous voulez nous contacter, on a la boîte email, mais yes. N'oubliez pas, yes, couleur croisée au pluriel, @hotmail.com. Et puis ça, c'est pour nous donner tous vos avis, toutes vos suggestions, et puis pour continuer la vibration ensemble. C'est ça une fréquence. Une exactement, vibration. Quoi. Couleur croisée. C'était avec Axel et Seb, bah on va se quitter là-dessus. Heureux de revenir avec vous, yes I. Yes. Très heureux et on va revenir de plus en plus heureux, je pense. Yeah. Et ouais, avec yeah. Le smile, avec des vibrations, de la musique, yeah. Alors, des merci invités. Merci à vous, merci à vous. Yes, donc on vous rappelle, evelynradio.com, couleurcroisée@hotmail.com. Vous nous laissez un message, si vous avez envie de passer à la radio, il n'y a pas de problème. Yes, voilà, voilà, on se quitte avec monsieur Serge Gainsbourg. Tu es juif. Je fais Dieu. Et on se donne rendez-vous mardi prochain. À partir de 22h. Couleur croisée. Tous les mardis soirs. Ciao, ciao. Bonne nuit à vous. Ciao. Sur le 88.4. Ciao. Capital. Tu as lu le livre ailé de Karl Marx, un beau bouquin. Et le trio bolchevique, la troïka des purs, eh bien, tous trois de race sémite, je vous le prouverai tout à l'heure. Tu es juif, je fais Dieu. Tu es juif, je fais Dieu. Seyevitch Chapelbaum, dit Zinoviev. Liev Borisovitch Rosenfeld, dit Kamenev. Liev Davidovitch Bronstein, dit Trotsky. Tu es juif. Je fais Dieu. Tu es juif. Je fais Dieu. Voici le temps de l'Antéchrist, la bombe à neutrons, hein? Petite fille de papa Einstein, encore un juif, si tu vois ce que je veux dire, petite. Tu es juif, je fais Dieu. Yes, yes, avec Mr. Axel et Mr. Seb. Yeah. C'était Couleur Croisée. Ciao, ciao, bonne nuit. Merci à tous et à toutes. toutes surtout, et après à tous. Music forever.